Curiosité.net, Les chasses du comte de Foix d'Alexandre Dumas. Illustration musicale, menuée sur le nom d'Haydn, licence Musopen. Lu par Alain Bernard. Le comte Gaston Phébus avait tué son fils bien-aimé, le seul héritier de son nom et de sa fortune. Voilà pourquoi, à l'époque où commence cette histoire, il avait tant de cheveux blancs sur la tête et tant de rides au front. Voilà pourquoi il avait un retrait tout rempli de raisons, où il se renfermait une heure par jour pour y dire les heures de Notre-Dame, les litanies des saints et les vigiles des morts. Voilà pourquoi, enfin, il tressaillit si fortement lorsqu'on frappa à la porte du château d'Orthez, car, tout en écrivant le 63e chapitre de son ouvrage sur la chasse des bêtes sauvages et des oiseaux de proie, il pensait à son pauvre petit garçon qui reposait à cette heure dans la chapelle des frères mineurs à Orthez, tandis que son frère bâtard y vint guerroyer avec les Castillans contre le roi Jean Ier du Portugal. Or, 6 ans s'étaient écoulés depuis les événements que nous venons de raconter. Le comte de Foix, après avoir fait comme d'habitude sa prière en son retrait, venait de descendre dans sa salle à manger où l'attendait messire Yvain, qui était devenu un grand et beau chevalier. Messire Hernanton d'Espagne et messire Jean Froissart, le chroniqueur, que le chevalier Esper de Lyon avait rencontré à Carcassonne et avait amené en sa compagnie jusqu'au château d'Orthez, où il avait été merveilleusement reçu du comte de Foix. On venait de se mettre à table lorsqu'un valet entra dans la salle et, se tenant près de la porte, attendit que son maître lui adressât la parole, quoiqu'on vît que, bien évidemment, il avait une nouvelle à annoncer. Au bout de quelques instants qu'il fut là, le comte l'aperçut. « Ah ! Fit-il, c'est toi, Ramonet ? Eh bien, quelle nouvelle ? Tu viens de loin, ce me semble. Du bois de Sauveterre, sur le chemin de Pampelune, en Navarre, monseigneur. Quelle nouvelle en apportes-tu ? On y a vu l'allée, monseigneur. Ah ! Dit le comte, en se retournant vivement. Et crois-tu qu'elle y soit restée ? Oui, je le crois, monseigneur, car elle y était depuis 5 jours, et si elle y reste 5 jours encore, vous aurez le temps d'y aller, de la joindre et de la pourchasser à loisir. Oui, certes, j'irai, dit le comte, et nous verrons cette fois si elle m'échappera encore. Qu'est-ce que cette lait ? Dit Froissart. Messire Claire, lui répondit le comte de Foix, vous qui prenez grand plaisir aux aventures de guerre, d'amour et de chasse, peut-être trouverez-vous en celle-ci quelques chapitres merveilleux à ajouter à votre chronique. Pour le présent, tout ce que je puis vous dire, c'est que je commence à croire que cette lait est enchantée. On la voit du jour au lendemain sur les points les plus opposés de mes comtés de Foix et de Béarn, et on a beau la pourchasser à outrance, jamais nul n'a pu la joindre. Au moment où l'on croit l'atteindre, elle disparaît, comme si la terre manquait sous elle. Quelques-uns disent même l'avoir vue disparaître en fumée. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que tous ceux qui l'ont vue et poursuivis sont morts de mal mort dans le courant de l'année. « Vraiment ? » s'écria Froissart, dont les yeux étincelaient de plaisir à l'idée d'une histoire de nécromancie. « L'avez-vous vu, monseigneur ? » ?»« Oui, certes, il y aura de cela demain 1 an. » C'était dans la forêt de Carcassonne, mais je ne fus pas plus heureux que les autres. Je l'ai chassée toute une journée, sans avoir pu la joindre. Le soir arriva, et je la perdis. « Et comment est-elle ? » dit Froissart. « Oh, pour cela, c'est la truie la plus maigre que j'ai vue de ma vie, tant qu'elle n'a que la peau et les os, et avec cela le poil hérissé, et de grandes têtes pendantes. Bref, j'ai bien chassé bêtes sauvages et carnassières depuis l'âge de 15 ans, jusqu'à celui de 59, où je suis arrivé, mais je n'ai jamais vu animal qui puisse lui être comparé. « Croyez-moi, monseigneur et père, » dit Yvain en secouant la tête, « n'y allez pas. Mais pourquoi cela, beau fils ? Rappelez-vous ce qui est arrivé à monseigneur Pierre de Béarn, mon oncle, pour avoir chassé et mis à mort un ours. Et que lui est-il arrivé ? Dit Froissart, toujours à l'affût des nouvelles. Folie que tous ces récits, interrompit Gaston Phébus d'un accent dans lequel perçait cependant quelque inquiétude. Il lui est arrivé, continua Yvan, laissant un intervalle de silence entre les paroles de son père et les siennes, et cela est chose sûre, monseigneur, car elle m'a été racontée à moi-même en Espagne, après la bataille d'Alrubarota, par la comtesse Florence de Biscay, sa femme, laquelle était nièce de Don Pierre le Cruel. Il est arrivé qu'un jour, un de ses piqueurs est venu lui dire, comme cet homme vient de le faire pour vous, qu'il y avait dans une forêt des Pyrénées un ours merveilleusement grand et qui, près d'être forcé, s'était retourné et avait parlé aux chasseurs, ce dont tout le pays avait eu si grand effroi que nul n'osait plus le relancer ni le poursuivre. Alors Pierre, qui était comme monseigneur, trop aventureux de sa personne, attendu qu'il était du même sang paternel, dit « Si personne ne le chasse, je le chasserai, moi. » Et telle chose qu'on put lui dire ne se départit point de sa résolution. Ah donc, il partit avec sa meute et ses piqueurs, et chevaucha tant, qu'il arriva en deux vers la forêt désignée, et qu'à peine y fut-il entré, il y trouva l'ours. Aussitôt les piqueurs découplèrent les chiens, et la chasse commença. Mais l'ours se lassa bientôt de faire cette course. Il s'accula contre un arbre, et là joua si merveilleusement des pattes, qu'en moins d'un instant, il étouffa et blessa le tiers de la meute. Ce dont mon bel oncle entra dans une grande colère, et tirant une épée de Bordeaux qu'il portait ordinairement en bataille, car elle était de si fin acier qu'elle ouvrait les cuirasses les plus fortes, il s'en vint à l'ours et l'attaqua corps à corps, comme il eût fait d'un brigand. La lutte fut longue, car il avait recommandé à ses gens, sur leur âme, que pas l'un d'entre eux ne vint à son aide, à moins qu'ils se le vissent renversé sur le dos, comme un lutteur vaincu, et au moment d'être occis par son terrible adversaire. Mais il fit tant et si bien que ce fut lui qui renversa et occit l'ours, de sorte qu'il s'en revint triomphant à son château, ramenant en triomphe l'animal mort qu'il faisait porter devant lui. Or il advint qu'à sa première couchée, et comme les valets et les chambellans du comte dormaient dans la chambre et dans l'antichambre, ils le virent tout à coup se lever au milieu de la nuit, et quoiqu'il eût les yeux fermés, aller droit à son épée qui était sur un fauteuil, puis, la tirant du fourreau, marcher contre une figure qui était peinte dans la tapisserie, et là, la poignarder avec fureur, comme s'il eût affaire à un sarrasin d'Égypte ou à un mort d'Espagne. Et cependant, tous les chambellans et les valets étaient tout tremblants, craignant que cette fureur ne se tournât contre eux. Mais pour cette nuit, ils en furent quittes ainsi. Lorsqu'il eut poignardé sa tapisserie, messire Pierre de Béarn remit son épée au fourreau et s'en retourna de vers son lit, où il se coucha et dormit le reste de la nuit, comme si rien n'était arrivé. Le lendemain, les serviteurs du comte, qui étaient fort attachés, ne sonnèrent mot de ce qui s'était passé, espérant que l'événement qui venait d'arriver n'était rien autre chose qu'un rêve ou vapeur causé par l'agitation qu'avait causé à messire Pierre de Béarn son combat avec l'ours. Mais la nuit suivante, ce fut bien pis. Comme on était arrivé une autre couchée, et que cette fois il n'y avait pas de tapisserie à figure dans la chambre, messire Pierre s'en prit à son chambellan, et il s'en allait l'oxyre malgré ses cris et ses prières, lorsque deux écuyers vinrent à son aide et, s'emparant du dormeur, le désarmèrent et le portèrent dans son lit, où ils le maintèrent de force et malgré lui une partie de la nuit, et pendant tout cela il parlait et agissait les yeux fermés. Encore était-ce bien heureux qu'il ne fût pas de votre force, messire Nanton, interrompit Gaston Phoebus, en se retournant vers le chevalier qui portait ce nom, car il faut que je vous conte mon histoire aussi, messire Géant Froissart. Pardon, Yvain, tu reprendras la tienne après. Faites, monseigneur. Or, je vous dirai donc qu'un jour de Noël, comme je tenais grande fête, et assemblée nombreuse de chevaliers en ce même château où nous sommes, il arriva qu'en sortant de dîner, nous montâmes sur la galerie dont l'escalier est large, où l'on arrive, comme vous avez pu voir, par 25 marches. Or, dans cette galerie, il y a une cheminée où l'on fait du feu quand je suis au château, mais jamais autrement. Donc, ce jour, par hasard, quoique le Béarn soit un pays de bois, se trouvait la cheminée petitement chauffée, et m'en plaignit tout haut devant mes écuyers et pages, car il faisait grand froid. Par hasard, en ce moment, messire Ernanton regardait par une fenêtre une quantité d'ânes chargées de bûches. « Ah ah !» dit-il, monseigneur, « vous manquez de bois. Eh bien, attendez un instant, et vous allez en avoir. » Alors il descendit, et nous nous tournâmes tous vers la porte, car nous le savions, jovial et bon compagnon, et nous nous attendions qu'il allait faire quelques jongleries à sa manière. En effet, au bout d'un instant, nous le vîmes portant un âne tout chargé sur ses épaules. « Tenez, monseigneur, dit-il, voilà la chose que vous avez demandée. Seulement, comme le bois était attaché sur l'âne, j'ai pris l'âne pour ne pas vous faire attendre. Il ne faut pas demander si nous rîmes grandement et si nous nous émerveillâmes de sa force. Et comment, tout seul, il avait, chargé d'un si lourd fardeau, monté 24 degrés. J'avais donc raison de dire, vous en conviendrez, messieurs géants, qu'il fut bien heureux que les chambellans et valets eussent affaire à mon frère Pierre de Béarn et non à messire Hernanton d'Espagne. Monseigneur, répondit Froissart, puisque c'est vous qui me racontez ce fait, c'est la vérité, et je le consignerai dans mes chroniques, quoiqu'il soit étrange et incroyable, mais à cette heure, ne pourrions-nous pas revenir à l'aventure de Pierre de Béarn et de son ours, dont je ne suis pas moins curieux. Si, fait, messire, et volontiers. Va donc, Yvain, je te donne congé de continuer. Donc, puisque vous le permettez, monseigneur et père, je vous dirai que le lendemain, messire Pierre rentra dans son château où l'attendait madame Florence de Biscaye, sa femme. Mais dès qu'elle vit l'ours, elle s'évanouit et perdit la voix, car elle le reconnut pour être celui que son père avait chassé un jour dans le même bois où son mari avait tué celui-ci. Or, se trouvant pressé par le comte de Biscaye, qui le poursuivait seul, toute la chasse ayant tiré de notre côté, l'ours se retourna, et prenant une voix humaine, il lui dit « Tu me chasses, mais mal t'en arrivera, et tu mourras de mauvaise mort. » En effet, un an, jour pour jour, après cette menace, le comte de Biscaye était tombé en la disgrâce de Don Pierre le Cruel. Celui-ci le fit décoller, et cela sans cause apparente, et comme pour accomplir seulement la prédiction de l'ours maudit. Or, elle raconta la chose à son mari, qui en rit d'abord et voulut faire clouer à sa porte et les pattes de l'ours et la tête. Mais lorsque les chambellans et les valets eurent raconté à leur tour ce qui s'était passé pendant les deux dernières nuits, et comment messire Pierre de Béarn avait été tourmenté par des rêves et visions, il commença à tenir moins ferme et permit que l'on enterra les pattes et la tête de l'ours au lieu de les clouer à sa porte, ce qui fut fait dans la journée. Le soir, messire Pierre de Béarn ordonna à ses chevaliers d'emporter son épée avec eux et de ne laisser aucune arme dans sa chambre. Mais il n'en eut pas meilleure chance. La nuit, ses chambellans furent éveillés par de grands cris. Messire Pierre de Béarn étouffait la comtesse entre ses bras, et ce ne fut qu'à grande peine qu'ils la lui retirèrent. Le lendemain, elle partit comme si elle était en pèlerinage à Saint-Jacques en Galice, emmenant Pierre son fils et Adrienne sa fille. Mais au lieu de se rendre où l'avait dit, elle s'achemina vers le roi de Castille pour lui demander asile et protection, et ne revint plus ni en Biscaye ni en Béarn. Quant à messire Pierre, ses visions continuèrent ainsi chaque nuit, sans qu'il se souvînt jamais au matin de ce qui s'était passé pendant son sommeil. On voulut continuer de lui retirer son épée, mais alors c'était bien pis encore, car n'ayant plus rien avec quoi frapper, et croyant sans doute dans son rêve avoir besoin d'une arme pour se défendre, il faisait un tel sabbat que l'on eût cru que tous les diables d'enfer étaient avec lui. Il y avait déjà un an que les choses duraient ainsi, lorsque messire Pierre, qui ne pouvait plus trouver ni chambellan ni valet pour rester à son service, envoya quérir au couvent des frères mineurs à Pampelune un moine très renommé sur le fait des possessions et qui avait fait en exorcisme des choses tout à fait miraculeuses. Il se nommait frère Jean. Frère Jean se rendit à la requête de messire Pierre et vint au château. Là, il se fit raconter de point en point la chose et comment elle s'était passée, tant autrefois pour le comte de Biscaye que pour messire Pierre de Béarn, puis il demanda ce qu'on avait fait de l'ours. Et lui fut répondu qu'on en avait abandonné le corps au chien pour en faire curer, que quant à la tête et aux pieds, messire Pierre les avait rapportés triomphalement pour les faire clouer à la porte de son château, mais que, sur les instances de sa femme, il avait fini par les laisser enterrer au pied d'un arbre de la forêt. Frère Jean parut satisfait de ses explications et ordonna à messire Pierre de se mettre en neuvaine. En effet, messire Pierre, pendant 9 jours, pria et jeûna comme s'il était en carême, ne buvant que de l'eau, ne mangeant que du pain, et disant chaque jour 5 paters et 5 ave pour le soulagement des âmes du purgatoire. Et frère Jean jeûna et pria tout le temps avec lui, se mortifiant comme si c'était lui qui avait commis la faute. Enfin, la pénitence terminée, on fit venir l'homme qui avait enterré la tête et les pattes de l'ours, et on lui demanda s'il se rappelait bien la place où il avait fait l'inhumation. Il répondit que oui, certainement. Alors on commanda tout ce qu'il y avait de prêtres et de chapelains au château et dans les environs. Puis, lorsque le cortège fut prêt, on se mit en marche, guidé par le paysan. Derrière lui venait Messire Pierre en chemise, pieds nus et portant un cierge à la main. Arrivé à l'endroit désigné, on répéta en chœur les litanies des saints et les prières de la délivrance. Puis, les prières finies, frère Jean ordonna aux paysans de creuser la terre et, à la place où il avait mis la tête et les pattes d'un ours, il retrouva la tête, les mains et les pieds d'un homme. Or, il n'y avait pas à s'y tromper, car pendant le combat, Messire Pierre avait presque ouvert la tête de son adversaire d'un grand coup d'épée et le retrouva la même blessure sur le crâne. Voyez bien, mon seigneur et père, continua Yvain, que mieux serait, je crois, de laisser cette lait enchantée et de profiter de l'exemple de votre frère Messire Pierre de Béarn. Que pensez-vous de cette histoire, notre hôte, dit le comte de Foix à Froissart. Gentil comte, répondit Froissart, j'y crois sincèrement, et j'en ai entendu raconter, et plus d'une, qui avait ressemblance avec elle. Nous trouvons dans l'Écriture qu'anciennement, les dieux et déesses changeaient à leur plaisir, et selon leur volonté, les hommes en bêtes et en oiseaux, et ainsi faisaient à des femmes. Il n'est point, mon seigneur, que vous, qui êtes savant plus que clair, qui soit au monde, n'ayez entendu parler de l'histoire du chevalier Actéon. Non pas, doux maître, répondit Gaston Phébus. Contez-moi le conte, je vous en prie. Volontiers, reprit Froissart. Et ainsi ferai-je à l'instant, monseigneur, puisque tel est votre bon plaisir. Or, selon les anciennes écritures, nous trouvons écrit que le seigneur Actéon était un noble, brave et gentil chevalier de Grèce, qui, comme vous, monseigneur, aimait avant tout le plaisir de la chasse. Donc il advint qu'une fois, qu'il chassait dans les bois de la Thessalie, il se leva devant ses chiens un cerf merveilleusement grand et beau, qu'il chassa tout le jour. Piqueurs, écuyers et chiens l'avaient perdu, et lui seul suivait encore la trace, lorsqu'il arriva à une clairière tout enclose de bois et environnée de grands arbres. Dans cette clairière, le chevalier Actéon, ayant entendu des cris et des voix de femmes, descendit de son cheval et entr'ouvrit doucement les buissons. Il aperçut alors une grande fontaine dans laquelle se baignait à la vesprée une dame merveilleusement belle et entourée de ses suivantes. Or, cette dame était Diane, la déesse de la chasteté, et ses femmes qui s'ébattaient alentour de leur reine, les nymphes et les naïades, habitantes de la forêt où chassait le gentil chevalier. Bien vous pensez, monseigneur, qu'Actéon, à cette vue, ne s'en retourna point en arrière. Il fut tout à coup aperçu de la déesse Diane, qui tout aussitôt poussa un cri. À ce cri, toutes les nymphes et naïades se retournèrent, et voyant un homme qui les regardait ainsi, se pressèrent vergogneuses et rougissantes tout autour de leur maîtresse, cachant les beautés d'une seule avec toute leur beauté. Alors, au milieu de ce gentil groupe, la déesse Diane éleva la tête et la voix, disant « Actéon, celui qui t'a envoyé ici ne t'aime guère, car, attendu que je ne veux pas que la bouche d'un homme se puisse vanter de m'avoir vu ainsi, moi et mes femmes, je veux qu'à l'instant, tu prennes la forme du cerf que tu as chassé aujourd'hui. » Et aussitôt Actéon fut changé en l'animal qu'avait dit la déesse Diane, et se mit à courir par les bois, où ses chiens, qui avaient perdu la chasse de l'autre cerf, le retrouvèrent, et depuis lors le chassent jour et nuit, sans qu'ils parviennent à le joindre, ni que lui se puisse délivrer de leur poursuite. Or, mon seigneur, sans doute l'animal que tu as messire Pierre de Béarn était quelque chevalier qui, en courroucé comme l'avait fait Actéon, un dieu ou une déesse de son pays, avait été changé en ours et accomplissait sa pénitence lorsqu'il fut tué. Voilà pourquoi, le temps de sa pénitence étant fini, ou les prières du frère Jean ayant obtenu sa délivrance, on trouva la tête, les mains et les pieds d'un homme, au lieu de la tête et des pattes d'un os. « Messire, répondit le comte, votre explication est bonne et valable, mais avec votre permission et celle divine, cela ne nous empêchera pas de chasser demain la lée si Dieu nous donne vie d'ici là. Et donc, nous partirons demain, par ainsi, que chacun se tienne prêt pour l'heure de l'Angélus. » Or, comme on savait que lorsque Monseigneur Gaston Phébus avait pris sa résolution, il ne s'en départait en aucune manière, chacun se trouva à l'heure dite au rendez-vous qu'il avait donné, moins Messire Jehan Froissart, qui, se plaisant peu au plaisir de la chasse, resta au château afin d'écrire les différentes histoires qu'on lui avait racontées, tant sur la route de Carcassonne à Pamiers que depuis qu'il était arrivé à Orthez. La cavalcade se mit en route, suivie des piqueurs qui menaient la meute. La cavalcade se composait de toute la maison du comté, chevaliers, écuyers, chambellans et valets. La meute se montait à 1600 chiens, car le comte était très luxueux sur l'article de la vénerie. À 8 heures du matin, on aperçut le bois de Sauveterre qui était situé sur la route de Pampelune. Arrivé à la lisière, on fit halte. Alors Gaston Phébus, voulant essayer les chiens que lui avait envoyés le comte de Blois, ordonna à 4 piqueurs de prendre Tristan, Hector, Brux et Roland et de se mettre en quête de l'allée. Au bout d'un quart d'heure, Hector l'avait rencontré. Les 4 piqueurs se réunirent, tracèrent une enceinte et renvoyèrent l'un d'eux annoncer au comte que l'allée était détournée. À cette bonne nouvelle, le comte ordonna aussitôt de se mettre en route. Arrivé à la place où la trace s'enfonçait dans le bois, on mit les chiens sur les fumées. Aussitôt, toute la meute donna de la voix, et au bout d'un instant, l'allée déboucha furieuse et le poil hérissé. À sa vue, le comte hua et sonna, puis, mettant son cheval au galop, il s'emporta derrière les chiens, suivi de toute la chasse. Pendant 5 heures, tout alla au mieux. L'allée allait au souhait de ceux qui la poursuivaient, se faisant battre merveilleusement, et dans une circonférence de 4 ou 5 lieues. Mais, vers Bassenonne, elle prit un parti désespéré, cessant de ruser et piquant droit devant elle. Le comte, voyant que la chasse n'était point près de finir, et que les chiens et les chevaux commençaient à se fatiguer, prit un cheval frais et ordonna de lâcher tous les autres jusqu'au limier qui avait détourné. Les piqueurs obéirent, et la poursuite reprit à grand renfort de voix et de bruit de corps. Au bout de 3 heures, il ne restait plus sur la voie qu'une 100aine de chiens, parmi lesquels Brux, Tristan, Hector et Roland faisaient merveille. Et derrière eux, le comte Gaston Phébus, suivi à grande peine 2, 3 ou 4 chasseurs les mieux montés, parmi lesquels était Messire Yvain. Tout le reste, chiens et cavaliers, avait perdu la voie ou était demeuré en route pour cause de fatigue. 2 heures encore, la chasse se continua avec la même vigueur. Pendant ces 2 heures, 96 chiens faillirent et 2 chasseurs s'égarèrent, de sorte qu'il ne resta que les 4 limiers qu'avait amenés Froissart, et Messire Yvain, qui, ayant comme son père un cheval de rechange, avait pu le suivre. Mais la compagnie ne fut pas longtemps si nombreuse. Au bout de 2 heures de course, le cheval de Messire Yvain s'abattit et ne voulut plus se relever. Commençant alors à se douter qu'il y avait peut-être magie en cette vitesse infernale, il cria à son père de ne pas aller plus loin et de revenir avec lui. Mais le comte était tellement emporté que, soit qu'il n'entendit pas les cris de son fils, soit que le vent emporta la réponse, Messire Yvain n'entendit rien et le vit disparaître au détour d'une route, ce dont il fut bien angoisseux et bien dolent. Quant au comte, il continua de poursuivre seul l'allée maudite que les chiens suivaient toujours à la même distance, sans paraître se fatiguer plus qu'elle. Pour le cheval, et semblait doué d'un instinct merveilleux, si bien que l'allée avait beau prendre à travers bois et forêts, lui, par des chemins et des sentiers, coupait toujours au plus court, de sorte que de 10 minutes en 10 minutes, le comte la voyait traverser quelques routes et quelques clairières, et se remettait à sonner et à huer pour prévenir le reste de la chasse. Mais tout était égaré, chevaliers, piqueurs et chiens, de sorte que personne ne répondait, et c'était une chose bien triste, je vous le dis, que ces chiens qui chassaient sans donner de la voix, et ces fanfares et ces cris qui mouraient dans les bois, sans que l'écho même leur répondît. Le crépuscule vint. Le comte était si acharné à la poursuite que l'obscurité qui commençait à se répandre ne put l'arrêter. D'ailleurs, les yeux de l'allée brillaient comme des flammes, de sorte que, malgré sa couleur sombre, il la voyait passer dans la nuit, et derrière elle, pareil à des ombres, les quatre limiers qui la suivaient toujours. Bientôt, il n'en vit plus que trois, puis plus que deux, enfin, plus qu'un seul. Tristan, Brux et Roland l'avaient abandonné tour à tour. Restait Hector seulement, qui la suivait toujours à la même distance, et le comte que son cheval emportait incessamment d'une égale ardeur. Enfin, l'allée parut se fatiguer, si bien qu'Hector sembla gagner sur elle. Cela donna une nouvelle ardeur au noble animal, et un nouveau courage au comte, qui hua et corna une dernière fois. Puis, laissant retomber son corps de ses lèvres, reprit sa course fin fantastique au travers des bruyères et des halliers. Enfin, on arriva à une grande clairière, au milieu de laquelle poussait un arbre solitaire et isolé. Hector gagnait toujours sur l'allée, le cheval suivait toujours Hector, le comte pressait toujours son cheval. Enfin, l'allée, ne pouvant aller plus loin, s'accula contre l'arbre. Hector se précipita courageusement dessus, mais au moment où il ouvrait la gueule pour faire sa prise, l'allée jeta un grand cri et s'évanouit en fumée, en même temps que le cheval du comte s'abattit pour ne plus se relever. Il était au bout de ses forces et de sa vie. Le comte se dégagea des étriers, tira son couteau de chasse et courut vers l'endroit où s'était arrêté l'allée, ne pouvant croire à sa disparition. Mais, arrivé au pied de l'arbre, il chercha vainement et ne vit rien qu'Hector, qui, désappointé d'avoir perdu la piste, levait la tête et hurlait piteusement. Quel que fût son courage bien éprouvé, le comte ne put s'empêcher de ressentir un mouvement de crainte, un frisson courut par tout son corps, et comme Hector continuait de se plaindre, il lui imposa silence. Puis, regardant tout autour de lui, pour chercher à s'orienter, et voyant qu'il se trouvait dans une partie de la forêt qui lui était entièrement inconnue, il monta sur l'arbre pour voir s'il n'apercevait pas aux environs quelques châteaux, quelques maisons ou quelques chaumières. En effet, arrivé au fait, il vit parmi les arbres une lumière qui brillait comme une étoile. Cela lui fit grand plaisir, car il avait craint d'abord de n'avoir que la terre pour lit et le ciel pour dais. Ayant donc pris la direction de la lumière le plus exactement qu'il lui fut possible, il descendit de l'arbre et s'achemina vers elle, suivi d'Hector, qui, ayant perdu toute ardeur cette fois, n'allait plus devant, mais le suivait par derrière, la tête inclinée et la queue pendant. Au bout de 100 pas, le comte quitta la clairière et s'engagea de nouveau dans la forêt. Mais il avait si bien pris sa mesure qu'il ne s'égara ni à droite ni à gauche, mais piqua directement vers la lumière. Après une demi-heure de marche, il aperçut son étoile à travers le feuillage des arbres. Il en continua son chemin avec une nouvelle ardeur. Puis, ayant fait 500 pas encore à peu près, il se trouva devant un château dont une seule fenêtre était éclairée. C'était tout ce qu'il fallait pour indiquer qu'il était habité. Et le comte n'en demandait pas davantage, car partout en la marche d'Orthez, où allait frapper Monseigneur Gaston Phébus, il était certain qu'à son nom, la porte s'ouvrirait avec joie et honneur. Néanmoins, une chose qui étonnait le comte, c'est que, quoique éloigné à peine de 30 lieues d'Orthez, en supposant même que l'allée eût suivi une ligne droite, il ne connaissait point ce château, lequel, cependant, autant qu'il en pouvait juger, au clair de la lune commençait de se lever, paraissait parfaitement fort et merveilleusement beau. Il n'était pas non plus bâti si nouvellement que le comte n'eût point encore eu le temps d'en entendre parler, car son architecture, qui datait de la première partie du XIIe siècle, lui a signé au moins 160 ans d'existence. Cependant, quel que fût l'étonnement du comte, il n'allait pas jusqu'à l'irrésolution. Aussi, sans chercher à approfondir plus longtemps ce mystère, comme le pont était levé, sonna-t-il de toute sa force pour avertir le châtelain qu'un voyageur demandait l'hospitalité. Le cor retentit tristement, mais n'en eut pas moins son effet. Le pont-levis s'abaissa sans que l'on vît quelle main le faisait mouvoir. Au reste, peu importait au comte. Il était sûr d'un souper et d'un gîte. C'était tout ce qu'il lui fallait. Monseigneur Gaston Phoebus s'engagea donc sur le pont. Arrivé de l'autre côté, il s'aperçut que son chien ne l'avait pas suivi. Il se retourna et l'aperçut de l'autre côté du fossé, assis et hésitant. Il le siffla alors deux fois, sans qu'il vînt. À la troisième, cependant, il se décida et traversa le pont à son tour. Le comte ne vit à l'entrée ni serviteur, ni valet, ni page. Il écouta, mais n'entendit aucun bruit. Cependant, comme la porte était ouverte, il s'engagea sous une galerie qu'éclairait à son extrémité une lampe dont la lumière venait jusqu'à lui, s'affaiblissant et tremblant le long des murailles. Le comte s'engagea sous la voûte, remarquant avec étonnement que, contre l'habitude, ses pas n'avaient point d'écho et qu'il marchait sans bruit comme lui fait une ombre. Tout étrange qu'était cette circonstance, elle ne l'arrêta point un instant. Arrivé à la lampe, il vit qu'elle éclairait un grand escalier. Cet escalier conduisait à la chambre dont il avait aperçu la lumière, et il espéra enfin y trouver quelqu'un et monta sans hésitation. Quant à Hector, il s'arrêta une seconde fois, mais une seconde fois son maître l'appela à voix basse, et quoiqu'il parût combattre contre une terreur instinctive et l'affection qu'il portait au comte, le sentiment noble l'emporta, et il se mit à son tour à monter l'escalier, mais lentement et comme à regret. Arrivé à la porte de la chambre, Monseigneur Gaston Phoebus vit un souper servi. Cela lui annonça les intentions hospitalières du châtelain et écarta de son esprit toutes les craintes qu'il avait pu concevoir. Au reste, la salle était immense, et comme elle n'était éclairée que par un lustre suspendu au-dessus de la table, toutes les profondeurs étaient plongées dans l'obscurité. Quoique le comte s'étonnât encore quelque peu de cette solitude continue, il n'en marcha pas moins vers le repas, qui paraissait d'autant mieux être préparé pour lui, que, quoique le service fût abondant, il n'y avait qu'un couvert à la table. Arrivé près d'elle, il jeta un dernier regard autour de lui pour voir si personne ne s'approcherait enfin. Personne ne paraissant, Monseigneur Gaston Phoebus s'assit, et voyant que son chien ne l'avait pas suivi, était demeuré à la porte, il lui fit signe de venir à lui en frappant avec sa main sur son genou. L'animal, toujours dévoué, obéit et vint rejoindre le comte et se coucha à ses pieds, mais cette fois avec tous les signes d'une répugnance manifeste et en rampant comme une couleuvre. Si résolu que fut Monseigneur Gaston Phoebus, cette solitude et ce silence prolongé prenaient un caractère étrange qu'il ne put se défendre d'un frissonnement intérieur et qu'il porta la main à la courte épée qui lui servait de couteau de chasse pour s'assurer qu'elle était toujours à son côté. Mais voyant que sa compagne fidèle l'avait point abandonnée, et n'apercevant dans les dispositions faites pour le recevoir que des préparatifs d'amis, il se raffermit avec la rapidité du courage, et s'apercevant qu'un sifflet d'argent avait été posé près de lui, il le prit résolument, et comme dans les habitudes de cette époque, on ne commençait jamais de souper sans se laver les mains, il porta le sifflet à sa bouche et siffla pour appeler un écuyer, un valet ou un page qui lui apporta les guerres et le bassin. Ce son pénétra si triste et si aigu dans les profondeurs de la salle que le comte se retourna en tressaillant malgré lui et en désirant dans son cœur que personne ne l'entendît et ne vînt, tant il lui semblait que ce bruit lugubre ne devait appeler qu'un serviteur en harmonie avec lui. Ce fut sans doute ce que pensa Hector, car lorsqu'on vit se soulever dans l'ombre la tapisserie qui retombait devant la porte du fond, il hurla doucement avec un accent si triste que le comte mit le pied sur son dos pour lui imposer silence, mais pour cette fois, moins obéissant que d'habitude, Hector n'en continua pas moins à gémir. Cependant, du moment où le comte avait vu se soulever la tapisserie, ses yeux n'avaient plus quitté le point de la chambre où les avait attirés ce mouvement. Il vit d'abord une forme humaine s'agiter dans l'ombre, mais quoiqu'il fût évident qu'elle marchait et s'avançait vers lui, il n'entendit sur les dalles de pierre aucun retentissement pareil à celui que fait le bruit des pas. En même temps, Hector cessa de gémir, mais il sentit qu'il commençait à trembler. Néanmoins, celui qui avait attiré le bruit du sifflet s'avançait toujours. Il était facile pour le comte de reconnaître que c'était un jeune page, vêtu avec élégance, portant un bassin et une aiguille d'argent, et sur son bras la toile à essuyer. Cependant, à mesure qu'il approchait, Un frisson involontaire s'emparait du comte. Il lui semblait, dans la démarche et dans la tournure du page, reconnaître celle du pauvre enfant que, 6 ans auparavant, il avait tué et qu'il pleurait encore. Bientôt le jeune homme entra dans le cercle de lumière projeté par le lustre, et alors il n'eut plus de doute. Celui qui s'approchait, c'était Gaston. Le comte resta les yeux fixés sur cette apparition terrible, et sentant ses cheveux se dresser sur son front mouillé de sueur. L'enfant s'avançait toujours du même pas lent et silencieux. Maintenant le comte pouvait distinguer ses traits, tristes et pâles, ses yeux fixés à tonne, et à son cou cette petite blessure béante et livide par laquelle sa jeune âme s'en était allée. Enfin il fit le tour de la table, s'approcha de Monseigneur Gaston Phoebus, et sans dire une parole à celui qu'il avait tant aimé, sans que ses yeux reprissent vie pour regarder son père, il souleva les guerres et tendit le bassin. Le comte, immobile et muet lui-même, comme le spectre qu'il avait devant les yeux, tendit machinalement les deux mains. L'enfant souleva les guerres, le comte sentit une impression glacée et mortelle, voulut jeter un cri, mais sentant que sa voix mourait étouffée dans sa poitrine, il se renversa en arrière et s'évanouit. L'enfant avait obtenu de Dieu la grâce de venir laver son propre sang aux mains de son père. Le lendemain, la chasse inquiète et conduite par Yvain trouva Monseigneur Gaston Phoebus mort au pied d'un arbre de la clairière, et près de lui Hector qui lui léchait le visage. Quant au château, il avait disparu. Dieu fasse miséricorde à tout pécheur qui s'est repenti.